Votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie en cette superbe édition de l'autre monde du 27 mai 2010. Alors, content d'être avec vous. Mes chers amis, cette semaine, nous allons discuter d'actualité, évidemment. Nous allons faire un tour de l'actualité de la semaine. Ensuite, on va se tourner vers l'économie. On va parler d'un paquet de trucs là concernant là, l'économie. On va parler aussi de la grande fraude du système économique et bancaire, les métaux précieux qui sont l'objet d'un traficage de leur prix. On va faire une mise à jour du dossier du déversement du pétrole. On va aussi toucher au Moyen-Orient. Alors, on devrait en avoir en masse là, pour remplir l'émission complète. Puis, chers auditeurs, d'ici très bientôt, je ne sais pas si ça va être à partir de la semaine prochaine ou de l'autre d'après, ça va rester à confirmer, tout dépendant de ma date exacte de départ de l'Asie. Mais l'émission L'Autre Monde va faire une pause, alors c'est soit la semaine prochaine ou à partir de l'autre d'après. Et on va se retrouver quelques semaines plus tard. Alors, je verrai combien de temps que j'ai besoin. J'ai au moins besoin de 2 semaines, peut-être même 3. Et puis, on va se retrouver après, ça c'est certain. Et je vais vous présenter aussi des entrevues assez intéressantes cet été. Alors, ne manquez pas ça. Ça va être assez, je dirais, plein chargé d'informations et puis d'invités qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Alors réellement, là, soyez au poste et puis regardez tout le temps, là, jetez un petit coup d'œil sur la page de l'autre monde, sur chaque FM, sur laquelle vous aurez tous les détails là, de ma durée de la pause, des vacances, et puis après ça, à savoir quand est-ce qu'on rentre en Londres de nouveau. Alors, voilà pour les explications, voilà pour l'introduction, et puis on va se tourner maintenant avec l'actualité. Alors, j'en avais parlé un peu il y a quelques semaines de ça. On a des livres qui s'appellent des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, qu'on appelle le DSM en anglais, qui est le livre référence dont lequel les psychiatres et les psychologues se servent. Alors, c'est en fait le grand livre qui documente, qui décrit les nouvelles, et puis on en est rendu à sa 4e révision. Et comme j'en avais parlé, ce livre devient de plus en plus épais à chaque révision, c'est-à-dire qu'on y ajoute de nouvelles maladies. Et il y a des maladies qui sont très discutables là-dedans, je veux dire, on est en train de nommer des « maladies » entre guillemets, sauf qu'en réalité, ça se trouve à être des comportements ou des moments normaux de la vie de tous les jours, OK? Donc, on est en train, finalement, de rendre n'importe quelle situation dans la vie comme étant un désordre mental et qui doit être guéri ou contrôlé avec des médicaments de Big Pharma. Et dans cette nouvelle-ci, on apprend que les penseurs indépendants sont maintenant considérés comme étant des malades mentaux aussi par la psychiatrie. Alors, on est en train d'ajouter des nouveaux désordres psychiatriques et certains sont normalement seulement que des différences de personnalité et de comportement à travers différentes personnes. Sauf que dans la nouvelle édition, on va inclure, entre guillemets, certains désordres comme les enfants et les gens qui s'opposent à l'ordre, à l'autorité, OK? Les personnes qui s'opposent et qui sont défiantes de l'autorité ou de l'ordre sont dans la quatrième édition des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Alors, ça inclut des personnes qui ont des patterns négatifs. Vous savez, il y a des personnes qui sont pessimistes ou qui sont négatives, OK? Des personnes qui sont désobéissantes et des personnes qui sont hostiles par rapport aux autorités ou aux figures d'autorité. Alors, des personnes qui auront des comportements hostiles à des figures d'autorité vont être considérées comme étant maintenant des symptômes d'un désordre. Et cela, ça va même aussi inclure des personnes qui perdent leur tempérament, des personnes qui se fâchent, OK? Donc, on va falloir vous mettre sur les médicaments, il va falloir vous traiter. Vous allez être des personnes qui vont être classifiées comme étant malades mentalement, là, avec des désordres psychologiques. Alors, voilà, quoi. Donc, même une personne qui aurait un certain comportement antisocial, qui auraient une certaine arrogance, cynisme ou narcissisme sont maintenant considérés comme étant des symptômes qui dénotent une psyché malade. OK? Alors, voilà des nouvelles catégories où les gens sont maintenant classifiés et puis pour lesquels on va les soumettre à des campagnes de si vous voulez, là, de culpabilisation et puis vous faire penser que vous avez besoin d'être suivi par un psychologue, un psychiatre et devoir consommer des antidépresseurs ou toutes sortes de médicaments qui sont censés vous aider et puis qui en réalité causent bien souvent beaucoup plus de tort que de mal. D'ailleurs, je vais sûrement écrire un article à ce sujet. Dans un futur assez rapproché, parler des antidépresseurs qui réellement là, dans 50% des cas, ne changent absolument rien, et puis dans 50% des autres cas, n'apportent qu'un vraiment un bénéfice très minimal, quoi. Et là, on parle aussi des effets secondaires assez considérables, comme susciter des tentatives de suicide, OK? Donc, on parle aussi des antidépresseurs qui causent des dépressions. Vous m'avez bien entendu. C'est assez incroyable quand les médicaments sont censés traiter la dépression, mais qui finalement en causent plus qu'ils n'en guérissent. Okay? Alors, ça, c'est vraiment les antidépresseurs et qui contiennent des ingrédients actifs qui sont tellement puissants qu'on les compare, même qu'on dit que c'est pire que l'héroïne et la cocaïne. Alors, c'est tout un sujet en soi, surtout qu'on a de plus en plus une grande fraction de la population qui se trouve à être sur des antidépresseurs et des médicaments là, de contrôle. Comportemental comme le Ritalin, puis tout ce qu'on peut gaver nos enfants avec, là. Donc, vous savez, c'est un sujet là, vraiment crucial à explorer, puis on va le faire aussi en détail dans un futur assez rapproché, comme je vous dis. Ensuite, on a un article ici du Examiner dans lequel on apprend que les cultures qui sont en fait des cultures OGM, modifiées génétiquement, ne sont pas un grand succès à la grandeur de la planète. En réalité, là, on parle de plusieurs mésaventures. Vous avez aussi des milliers, je crois que c'est 125 000 fermiers indiens de l'Inde qui se sont suicidés après avoir tout perdu. Vous avez ces cultures qui ne grandissent pas aussi bien, qui ne rapporte pas autant que ce qui avait été d'abord préconisé, ce qui avait été vendu par les grandes compagnies comme Monsanto et toute la gang. Et ce qui arrive, ben, c'est qu'on se retrouve aussi avec maintenant des cultures qui, vous savez, là, c'est des graines souvent qui sont modifiées pour accepter, comme dans le cas de Monsanto, des pesticides, des insecticides, des herbicides qui sont modifiés, donc comme le Roundup et d'autres produits commerciaux comme ça. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on modifie les semences et ce qu'on fait, c'est qu'on les rend résistantes, si vous voulez, à ces pesticides et herbicides. Sauf qu'avec le temps, on est en train de se rendre compte que ben les insectes nuisibles et les herbes, les mauvaises herbes qui poussent dans les champs et puis qui mangent les cultures développe des résistances, OK? Il développe des résistances et ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans des situations où on a des champs, où on a ce qu'on appelle en anglais des super weeds, c'est-à-dire des super mauvaises herbes qui sont quasiment impossibles à contrôler, qui sont extrêmement résistantes et très vigoureuses. Alors, on parle ici là, quasiment d'une catastrophe, là, je veux dire, c'est très, très grave. Et puis là, ben, vous avez cette révolution verte qui est en fait une appellation, je dirais trompeuse, OK, qui a été inventée, colportée par les firmes de relations publiques, qui masquent, un agenda de globalisation par les OGM et puis par les produits chimiques de l'agriculture, OK, donc de l'agriculture industrielle, et qui, en fin de compte, est tout sauf amical à l'environnement, c'est-à-dire réellement n'a rien à voir avec protéger l'environnement, quoi que ce soit, en fait, se retrouve à le détériorer encore beaucoup plus que ça l'était déjà, hein, OK? Donc, vous savez, là, vous avez beaucoup de fermiers qui se sont plaints de dévastation, autant en Chine qu'en Amérique, aussi en Afrique et dans d'autres contrées comme ça. Alors, il a été révélé la semaine passée que la Chine est en train d'avoir un sérieux problème avec lequel elle doit faire. Et puis, vous savez, c'est quoi? C'est une infestation explosive d'insectes, okay, qui sont en train d'envahir les champs de coton et puis d'autres cultures qu'on a là-bas en Chine. Et ce qui arrive, c'est que, ben, écoutez, là, c'est comme je dis, on est en train d'en faire des super insectes et puis des super mauvaises herbes qui résistent à peu près tout. Alors, ça, c'est un article ici très, très, très, très, très, très, très important à aller voir. Voyant très rapidement là que on se rend compte que les OGM, c'est vraiment une menace pour l'environnement et qu'il faut déclarer, il faut imposer des moratoires immédiatement et arrêter la culture. La culture de produits qui sont modifiés génétiquement, OK? Donc ça c'est une nouvelle absolument importante à aller voir. Vous allez voir de plus en plus de problèmes avec ça. On a énormément de problèmes et puis ça va continuer de grandir parce que là on exporte partout de ça, hein? Je veux dire même qu'on utilise des situations catastrophiques un peu comme on a vu en Haïti où on a eu un tremblement de terre énorme et puis là on prétend vouloir aider ces personnes-là, sauf que ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec des compagnies comme Monsanto qui vont donner des sacs de semences. Okay? On parle pour 475 tonnes de semences qu'on a données. Donc, 60 000 sacs de semences. Imaginez, c'est pas un peu, là. Je veux dire, c'est des quantités énormes, OK? Et puis, on donne ces semences modifiées génétiquement, des semences de maïs hybride et puis aussi des semences pour différents légumes. Alors, on donne ça à ces gens-là et puis aussi, on leur donne des produits qui sont hautement toxiques, alors des pesticides qui sont réellement des poisons avec lesquels on prétend pouvoir aider les cultures et puis les protéger. Et puis, ben là, vous vous retrouvez avec des situations catastrophiques. Alors, vous avez des personnes là en Haïti qui ont déclaré que là, on voulait refuser ça. Alors, vous avez la porte-parole ici du Mouvement national des paysans qui finalement a déclaré que on est en train de mener une attaque très, très puissante contre la petite agriculture, contre les fermiers puis la biodiversité, et aussi contre les semences créoles. Alors, on est en train de mettre de côté les semences créoles, les semences ancestrales, pour les remplacer avec des semences OGM qu'on doit racheter à chaque année, faut-il le dire. Alors, au lieu d'avoir des fermiers qui récupèrent les semences d'année en année, eh bien, on fait en sorte qu'on brise le cycle et qu'on rend ces gens-là dépendants des compagnies, des multinationales qui ont fusionné ensemble. Alors, ont fusionné les compagnies qui produisaient des semences et puis des compagnies biogénétiques. Ont fusionné ensemble et puis sont devenus des super conglomérats qui contrôlent une grande partie du marché des semences dans le monde. OK? Alors, vous avez, par exemple, Syngenta, DuPont, vous avez Bayer puis Monsanto qui contrôlent plus de la moitié de toutes les semences du monde. C'est énormément, hein, de contrôle sur la chaîne alimentaire quand vous pensez à ça. OK? Vous avez ici quatre compagnies qui contrôlent plus de 50% de, si vous voulez, la chaîne alimentaire des semences. OK? Donc, c'est énorme. Vous avez ces compagnies qui détiennent plus de 650 brevets sur des semences. Alors, c'est-à-dire que ces semences-là, maintenant, leur appartiennent. Vous n'avez plus aucun droit si elles poussent même par erreur parce que le pollen les a dispersés dans votre champ. Ces compagnies-là peuvent revenir en cour contre vous et puis vous imposer des amendes assez substantielles, assez pour ruiner beaucoup de fermiers, ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises dans le passé. Alors, c'est vraiment des tactiques là déloyales, OK? Et puis, on doit s'opposer à ça avec toutes nos forces. Ensuite, on parle ici de MSG. Je vous ai laissé deux sources ici pour comprendre le MSG aussi. C'est quoi? Vous savez, c'est un truc, une genre de, entre parenthèses, c'est un produit chimique, quoi, qu'on ajoute à la nourriture qui a un goût salé, mais qui n'a rien à voir avec le sel. C'est vraiment une formule chimique et puis qui est assez dévastatrice d'ailleurs, qui entraîne de nombreux effets secondaires sur la santé. Et vous avez ici deux articles, un qui parle des différents noms que l'MSG prend, parce que vous avez plusieurs dizaines de noms pour l'MSG, OK? Donc, on essaye aussi de vous tromper comme ça. Alors, si vous ne voyez pas le glutamate monosodique derrière dans les ingrédients du produit que vous achetez, ben il est fort probable qu'il prend un autre nom, OK? Donc, à ce moment-là, on essaie de vous tromper puis faire en sorte que vous n'êtes pas capable de détecter où l'MSG se trouve. Alors, vous avez un autre lien aussi qui parle de différentes sources de MSG cachées dans la nourriture. Alors, allez voir ça, c'est assez important. De s'informer par rapport à ça. Alors, des additifs alimentaires qui sont toxiques, OK, on parle de excitotoxines et qui causent d'ailleurs des troubles de comportement, d'hyperactivité, des troubles d'apprentissage chez les enfants, OK? Donc, ça vous donne déjà une excellente idée à savoir pourquoi nos enfants souffrent autant d'hyperactivité puis de problèmes de concentration à l'école, OK? Ça, c'est sans compter aussi les colorants, vous avez les sucres artificiels. Vous avez, écoutez, il y a tellement d'affaires, l'aspartame, je veux dire, c'est terrible, OK? Les boissons gazeuses, c'est pas plus terrible que ça brûle le cerveau carrément, là, je veux dire. Donc, des excitotoxines, faites des recherches là-dessus, c'est un autre domaine dans lequel on doit s'informer pour protéger sa santé. Ensuite, on a un article ici dans The Star qui parle du sommet du G20. On est en train déjà de préparer la casse. Alors, on apprend dans le journal d'Ottawa qu'on a eu une banque qui a été, toujours à Ottawa même, une banque qui a été incendiée. Alors, apparemment qu'on aurait un groupe anarchiste qui aurait mis le feu à cette banque et que ce serait une promesse des choses à venir pour le sommet du G8 et du G20 qui vont se tenir en Ontario, Toronto, au mois de juin qui s'en vient. Alors, ça, c'est tout le temps aussi la préparation, la démonisation de la résistance, la démonisation des manifestants qui se préparent. On ne parlera jamais du fait qu'on a des policiers qui se présentent dans ces manifestations-là, souvent déguisés en anarchistes ou en casseurs, n'importe quoi, et qui, comme je dis, se font passer pour des gens de la foule, ils font de la casse. Après ça, bien souvent, c'est des policiers ou des gens de l'intérieur, des services secrets. Et après ça, les médias se mettent là-dedans et puis on fait mal paraître tout le monde en disant, regardez, ces gens-là, c'est des gens qui sont déraisonnables, c'est des terroristes, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on discrédite tout le mouvement de résistance par rapport à ces actes-là, OK? Donc, c'est tout le temps à savoir vraiment là qui cause ces trucs-là réellement. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont incendié une bombe, qui ont incendié une banque, ou si c'est pas de quoi qui est organisé? Alors, une chose est certaine, gardez les yeux ouverts. Si vous participez aux manifestations du G8 et du G20, traînez des caméras, traînez autant des caméras, prendre des photos que des vidéos. Et puis, filmer tout, OK? C'est comme ça qu'on a découvert les trois agents de la SQ qui s'étaient infiltrés parmi les manifestants lors du sommet du PSP à Montebello. Et écoutez, ça a fait vraiment plaisir. Ça a fait mal à la SQ et puis à l'élite politique parce que là, écoute, on a mis à jour là, leur plan hallucinant, là, je veux dire, se faire. Écoutez, on paye ces policiers-là. Et puis ces policiers-là viennent se déguiser, puis après ça, nous faire paraître comme étant des malades mentaux et puis des manifestants irraisonnables. Alors, c'est une autre chose là aussi à garder à l'œil, OK? Vous avez Obama aussi qui commence à déployer ses équipes d'interrogation. Ça a été rapporté par Reuters. Alors, vous avez l'administration Obama qui a commencé à utiliser des équipes d'avocats et puis d'interrogateurs au niveau juridique, OK? Et puis des équipes du renseignement. Qui vont se déplacer dans différentes places aux États-Unis puis à l'étranger pour aller interroger des militants suspects, incluant des Pakistanais américains qui ont été arrêtés, vous vous rappelez, au Times Square. Donc, vous vous rappelez de cette histoire-là de bombe, supposément, là, qui a été fabriquée par supposés américano-pakistanais. Et puis, là, ce qui arrive, c'est que là, on se donne le droit d'aller les interroger. passagers comme ça, même à l'étranger, des gens qui sont suspects. Alors, bing bang, on arrive là. On vous dit pas si on veut utiliser la torture ou pas pour le faire, mais on va déployer ces équipes de spécialistes pour questionner des détenus, peu importe s'ils sont en possession des autorités américaines ou de celles d'un pays étranger ou d'un gouvernement étranger. Ça aussi, là, vous voyez, là, on est en train de resserrer l'étau. Okay, sur nos libertés individuelles, sur notre liberté, la liberté d'expression, sur la dissidence. Donc, on est en train de considérer toutes ces personnes-là comme étant des terroristes. Vous parlez là de l'assassinat de JFK. Ben là, on est en train de vous associer avec des personnes qui ont des problèmes mentaux et puis avec des groupes de terroristes et toutes sortes d'affaires. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a ici un autre article qui parle du fait qu'Obama a gagné le droit de détenir des personnes sans des revues de l'habeas corpus, alors qui en réalité vous donne des droits de ne pas être accusé, justement, de savoir de quoi vous êtes accusé, de recours à un avocat, et puis d'être jugé par vos pairs dans des délais raisonnables, OK? Donc, c'est ça, l'habeas corpus. Et puis, c'est aussi le fait que, surtout, en fait, que vous êtes reconnu non coupable jusqu'à preuve du contraire, OK? Donc, on est en train de renverser ça. Ça fait longtemps qu'il y a une tendance qui se développe. Ça a commencé de plus belle et puis ça s'est amplifié sous l'administration Bush. Mais ça se continue aussi sous l'administration Obama qui, lui non plus, n'y va pas de main morte et, à bien des égards, pousse l'enveloppe encore plus loin que Bush l'avait lui-même fait, OK? Donc, vous aviez même Bush s'était vu refuser certains pouvoirs qui sont maintenant alloués, qui sont maintenant, que je dirais que l'administration Obama s'accapare, OK? Des droits comme de détenir des personnes sans qu'on ait réellement de preuves ou établi quoi que ce soit contre ces personnes-là, OK? Donc, on inclut même aussi des détenus, de détenir des personnes à l'extérieur des États-Unis, on parle en Afghanistan, des gens qu'on pourrait ensuite envoyer dans d'autres prisons ou d'ailleurs dans le monde pour être emprisonnés. Et, écoutez, tant qu'à être là, être torturé aussi, OK? Donc, c'est pas très reluisant, là. C'est en train de se passer directement. Puis c'est le prix Nobel de la paix, M. Barack Hussein Obama, qui pousse sur ces affaires-là, OK? Donc, écoutez, la Constitution des États-Unis, là, c'est bye-bye, on met le feu là-dedans, on sac ça dans la poubelle. C'est fini, la Constitution des États-Unis. C'est fini l'illusion de la République et puis de la liberté. Je veux dire, on est de facto sous une mini-dictature, OK? Une dictature encore bénigne, mais qui est en train de montrer de plus en plus ses dents et ses griffes. Donc, ça aussi, ça a fait l'objet de différentes publications. On parle ici du New York Times. OK, donc on se donne le pouvoir de maintenir des personnes, des suspects de terrorisme pour des périodes indéfinies, sans revue judiciaire, emprisonnés, peu importe où c'est qu'on veut, autant à l'intérieur des États-Unis qu'à l'extérieur. Alors, on peut même ensuite les envoyer dans d'autres pays. Alors, on enlève quelqu'un aux États-Unis, zap, on l'envoie à Bagram en Afghanistan, puis on le torture, on lui fait admettre toutes sortes d'affaires, et puis voilà, vous savez, le gouvernement américain avait raison. Tout d'un coup, le gars, il a admis avoir empoisonné le Père Noël, et puis avoir causé le réchauffement climatique et puis aussi d'avoir tué John F. Kennedy et tant qu'à y être, d'avoir crucifié Jésus-Christ, OK? Donc, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec la torture. Moi, je vous le dis, c'est absolument fantastique. Essayez ça, vous avez le waterboarding, la torture à l'eau. Ça donne des résultats fantastiques. Je veux dire, vous avez plusieurs suspects qui ont été arrêtés supposément pour avoir été les responsables du 9-1, et puis ces gens-là ont été torturés, il y en a un, c'est jusqu'à 160 fois. 160 fois torturés par les États-Unis, puis le gars, il a admis avoir tout fait. Eh bien, évidemment, je veux dire, écoute, là, il est responsable de tout, le gars, là, tu sais. Donc, vraiment, félicitations aux États-Unis, puis à Barack Obama pour avoir gagné le pouvoir d'enlever des personnes n'importe où dans le monde et puis des emprisonner pour aussi longtemps qu'ils le veulent avec aucune revue judiciaire d'aucune sorte. Alors, c'est là où on en est rendu dans la réalité aux États-Unis. On a un autre rapport ici qui parle de Facebook qui a été pris à partager des secrets. Alors, on parle de données secrètes, des données privées, OK? Donc, vous, de vos données, ceux qui ont des comptes sur Facebook, alors tout ce que vous avez sur votre compte, eh bien, on s'est aperçu que Facebook prend ça et puis les partages, même les ventes à des compagnies de publicité. Alors, vos données personnelles se retrouvent un peu partout. Ça a été rapporté par The Wall Street Journal, qui a indiqué que Facebook, avec d'autres comme MySpace et puis Dig, et ainsi que d'autres sites de networking, comme on parle en anglais, en fait de réseaux sociaux, si vous voulez, se retrouvent dans une situation où on utilise ces données des utilisateurs, des données personnelles, et puis on les partage avec des tiers et sans votre consentement, ni sans même que vous le sachiez. Alors, ces données incluent les noms, vous avez des données pour identifier, donc des ID. Vous avez aussi des informations qui sont suffisantes pour permettre aux compagnies comme Google, qui possède une compagnie de banque qui s'appelle DoubleClick, d'être capable d'identifier différents profils, différents utilisateurs. Donc, voyez encore là comment qu'on fait fi de vos données personnelles. On n'en a rien à foutre et puis on fait ce qu'on veut avec. Et puis, vous avez ces sites-là qui ont des politiques de vie privée qui sont vraiment, écoutez, là, je veux dire, comme des passoires, là, je veux dire, on fait à peu près ce qu'on veut, là, OK? Donc, avis à ceux qui ont des comptes Facebook, OK? Vous avez l'université de Berkeley qui maintenant requiert des échantillons d'ADN de ses nouveaux étudiants. Alors, ça aussi, c'est une autre nouvelle dans l'état policier assez surprenante. Alors maintenant, au lieu de donner certains tests pour savoir si les gens, écoutez, là, différents tests là, pour entrer dans cette université-là, on va faire des tests d'ADN pour convaincre les étudiants qui ont des comportements bizarres, qui boivent trop d'alcool ou quoi que ce soit, de cesser de le faire. Alors, vous avez les premières universités qui commencent à utiliser des RFID, les fameuses chips d'identification à distance. Donc, on commence à utiliser ces affaires-là. On veut commencer à chipper les gens et puis à savoir quand est-ce qu'ils sont là, les suivre en tout temps. Et ensuite, maintenant, là, on est en train de parler de prélever leur ADN. Alors, c'est l'université de la Californie, l'université de Berkeley, qui est un bastion dans ce domaine-là de l'expérimentation, qui est en train de replacer ses lectures d'été avec différents appels pour les nouveaux étudiants à fournir des échantillons d'ADN de façon volontaire, on parle ici. Alors, ça aussi, là, c'est assez hallucinant. Ça a été rapporté par The USA Today. Donc, on va regarder ces résultats d'ADN et puis après ça, on va en informer les étudiants et puis dire, écoutez, vous devriez manger plus de ci, plus de salade, arrêter de manger des hamburgers, arrêter de boire de l'alcool, vous devriez limiter votre consommation de lait. Alors, vous voyez, ça commence à dépasser tout entendement. Une nouvelle de News CNET qui parle qu'on a voté pour donner de l'expansion aux banques de données d'ADN aux États, ça c'est aux États-Unis. Alors vous avez des millions d'Américains qui sont arrêtés annuellement, mais qui ne sont pas accusés d'aucun crime, mais qui probablement vont devoir maintenant, peut-être même par force, d'être obligés de donner, alors d'extraire de l'ADN et puis de fournir cet ADN aux services policiers et puis aussi aux banques de données nationales selon un projet de loi qui a été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis. Alors, ça a été un vote qui a été passé avec 357 contre 32 qui ont approuvé cette nouvelle pièce de législation, qui réellement là est en train de donner des pouvoirs complètement invasifs sur la vie privée des gens. Alors on va arriver, on va vous arrêter pour n'importe quelle raison. Ah, vous avez un billet. Oh, on pensait que vous aviez roulé trop vite. Mais finalement, vous êtes correct, mais on vous laisse. Ah, mais on prend un petit prélèvement d'ADN en passant et qu'on va mettre dans ces banques de données centrales contrôlées par le gouvernement, les autorités américaines. Mais ça, c'est pas juste là-bas aussi. On a vu un pareil cas en Angleterre, et ça s'en vient un peu partout, là. Il faut être honnête, hein, il faut pas se mettre la tête dans le sable, là. C'est en train de se propager un peu partout. Alors, on va vous piquer avec une aiguille, récolter un peu de votre sang, pour des gens qui ont été arrêtés, même pour, des fois pour rien, OK, ou pour des crimes qui sont insignifiants. Alors, c'est ça qui se passe, c'est comme ça, je veux dire, comme je vous dis, c'est. Des fois, on a tendance à dire, waouh, ben, c'est ouais, c'est pas rose. Les gens essaient de se détourner le regard. Mais écoutez, je veux dire, il va falloir faire face à la musique, là. Je veux dire, ces choses-là sont en train de se passer directement sous nos yeux. Et puis, si on ne met pas un arrêt à ça, ben, on va se faire prendre dans une société où, à un moment donné, il va être quasiment impossible de sortir de ce genre de tyrannie, de ce genre de, je vous dirais, de grille de contrôle technologique. Donc, on va vous contrôler avec la technologie et puis faire en sorte que, écoutez, là, vous n'ayez plus aucun droit de vivre votre vie comme vous voulez, là. Donc, voilà pour ça. On va continuer avec quelques petites nouvelles ici du H1N1. On a déclaré dans le Montreal Gazette que l'OMS aurait déclaré qu'on a été bien chanceux avec le H1N1. Alors, apparemment qu'on était chanceux, entre guillemets, avec le virus du H1N1, selon le chef de l'OMS. Alors, oui, apparemment, c'est de la chance. Alors, pour remettre les pendules à l'heure au niveau de l'OMS, parce qu'apparemment que ces gens-là ne sont pas au parfum des dernières nouvelles, le H1N1, écoutez, ça n'a jamais été un virus grave. En fait, il était beaucoup moins grave, environ 10 fois moins grave que la grippe saisonnière. Et ça a été une campagne de terreur, une campagne pour épeurer les gens, pour les pousser à consommer, à se faire injecter des produits qui n'avaient pas été testés, pour lesquels les compagnies pharmaceutiques avaient reçu l'immunité judiciaire. Alors, ça a été un coup de cash total, une fraude sans précédent au niveau de la santé. Mais on essaye de tourner la situation, de dire qu'on a été chanceux, okay? Que c'est juste une histoire de chance. Non, c'est pas une histoire de chance, c'est une fraude hallucinante qui a fait en sorte que des millions de personnes se sont faites vacciner absolument pour rien et au grand risque des ingrédients qui sont contenus dans ces vaccins-là. On parlait de mercure, on parlait de scalène, toutes sortes de produits qui sont toxiques et potentiellement très dangereux et qui peuvent avoir des effets secondaires vraiment dommageables, comme on parle de paralysie, puis même jusqu'à la mort. Vous avez un autre article ici qui nous sort tout droit de l'Angleterre, publié par BBC. Là aussi, on fait les bilans et puis on se rend compte que la campagne, la fausse campagne complètement inutile de vaccination a coûté seulement qu'à Wales, en Angleterre, plus de 35 millions de livres sterling. Alors, on parle probablement d'autour de 40 à 50 millions de dollars canadiens, ce qui est des figures officielles assez décoiffantes. Merci. Vous avez un autre article ici qui parle de justement de cette saison de la grippe qui s'est terminée. Aussi, qu'on a découvert qu'au Canada, que les gens qui ont reçu les vaccins contre la grippe saisonnière étaient bien, bien plus mal placés, ont souffert plus d'influenza que les gens qui n'ont pas reçu aucun vaccin. Alors, ça aussi, là, c'est toute une histoire. On parle particulièrement du Nouveau-Brunswick, où on a eu des campagnes de terrorisation de la population, où on a fait en sorte qu'une bonne fraction de la population du Nouveau-Brunswick se sont fait vacciner au mois d'octobre passé contre la grippe saisonnière. Et on a découvert réellement, là, statistiquement, et puis sur les faits, là, réellement avec les chiffres, là, que les personnes qui s'étaient faites vacciner pour la grippe saisonnière avaient développé beaucoup plus de grippe que les personnes qui n'avaient pas reçu le vaccin. Alors, allô, allô, j'espère que vous avez compris le message. Un article absolument crucial aussi à aller consulter. Alors, vraiment spécial, là, je veux dire, vous avez le Nouveau-Brunswick, là, qui a eu 50% plus de maladies comparées aux autres provinces cette année. Alors, incroyable. Vous avez un autre article ici de Natural News où on apprend qu'un enfant a été envoyé à l'hôpital après avoir reçu un vaccin qui a créé des convulsions, qui a causé des convulsions. Ce n'est pas un cas isolé. Vous avez plus de 57 enfants qui ont vécu des situations assez dangereuses, même pour leur vie, mettant en danger leur vie. On parle de convulsions et de trucs du genre. Nouvelle qui vient du journal australien The Age. Okay? Alors, des vaccins qui sont donnés aux enfants pour les protéger, mais qui en réalité, finalement, les endommagent plus que n'importe quoi. À Bangkok, ben ça va pas bien. Bangkok, on a rentré 30 000 troupes de l'armée dans les rues. Alors, on a commencé à tirer sur les gens, sur la résistance. Ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang, en train de, quasiment de créer une guerre civile. Les protestants qui refusent de donner du terrain, et puis l'armée qui, elle, écoutez, rentre dans le tas. C'est assez critique, là, ce qui se passe là-bas. Vous avez les médias de masse qui continuent de vous rapporter les nouvelles de façon tout croche. Vous avez un exemple hallucinant ici, ça a été rapporté par The Raw Story. On a MSNBC aux États-Unis qui parlait justement de la situation à Bangkok en Thaïlande et qu'on a présenté une image avec les sous-titres en bas d'écran. Et vous avez différentes écritures qui suggéraient que les talibans auraient mis feu à Bangkok. Alors, complètement loufoque, je veux dire, les médias qui ont un gros problème de crédibilité, qui ne sont même pas capables de faire les choses comme il faut. Et puis, apparemment que les talibans sont rendus à Bangkok et ont mis le feu à la ville. Alors, allez voir ça, vous allez trouver une photo dans l'article, assez renversant. Alors, OK, on va maintenant se déplacer vers l'Asie. Ici, vous avez Hatoyama qui a accepté que la base américaine demeure sur l'île d'Okinawa, qu'il n'avait pas de choix. Alors, on a probablement fait du chantage et tordu le bras du premier ministre japonais, alors que vous avez quasiment toute l'île entière d'Okinawa qui est contre cette base militaire qui se trouve sur leur île. Je veux dire, alors, il n'y a aussi pas d'illusion à se faire de ce côté-là. Le Japon est encore sous occupation militaire, OK? Alors, voilà. Et voilà qui tombe à point aussi dans la situation qui se passe en Corée du Nord. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard dans l'émission, où c'est qu'on est en train de voir carrément là, une guerre qui se prépare contre la Corée du Nord. Et puis, vous allez avoir tous les détails de ça dans pas très longtemps. Vous avez ici une nouvelle qui parle de l'establishment qui apparemment aurait très peur, serait en train de paniquer devant Rand Paul, OK, pas Ron Paul, mais Rand Paul, qui est le fils de Ron Paul. Ron Paul, qui est un espoir incroyable pour les États-Unis, qui se trouve être un libertarien sous le couvert c'est un républicain officiellement, mais qui a des vues assez libertariennes. Lui parle de fermer la Fed, qui est une banque centrale privée, de rapatrier tous les soldats dans le monde, de terminer les guerres, je veux dire même de fermer l'IRS. Alors, vous voyez, un espoir incroyable, le genre de personne qui va se prendre une balle dans la tête s'il est élu. Alors, on s'attendrait à ce que son fils ait un peu la même conception, mais sauf que là, ici, on dit que l'establishment est en train de paniquer devant Rand Paul, qui a remporté des élections surprises au Kentucky. Sauf que ce qu'on apprend dans une autre nouvelle, à partir d'un collaborateur qui a fait des recherches et qui a trouvé un article absolument intéressant, allez voir, c'est tout documenté, j'ai vérifié ça moi-même, c'est que le fils de Ron Paul est plus néocon que les néocons lui-même, c'est-à-dire que pire que les Cheney, Bush et Rumsfeld et compagnie. Alors c'est assez intéressant, je veux dire, de constater la différence, le fossé qui existe entre le père et le fils. Alors le père qui condamne toute aventure militaire à l'étranger, on doit se défendre chez nous, mais on doit arrêter d'occuper un paquet de pays dans le monde. Vous avez des bases militaires dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Sauf que le fils, lui, est extrêmement néocon, a publié même un papier qui a rendu disponible détaillant ses vues à propos du régime sioniste, comme quoi que les États-Unis devraient supporter le régime sioniste, Israël, quoi qu'il en coûte, peu importe les agissements d'Israël, alors que vous avez Israël qui est responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qui est responsable d'un état d'apartheid et puis d'un génocide à petit feu du peuple palestinien. Alors, Rand Paul qui a réellement, j'espère, ne trompera pas la vigilance des gens et puis ne passera pas pour étant une personne comme son père, parce que là, il y a une méchante différence entre les deux. Alors, c'est assez pour ce volet-là. On va prendre un petit moment pour écouter un peu de musique, se relaxer un peu. Et puis après la pause, on va revenir avec la suite, la mise à jour du dossier de la catastrophe du geyser, du volcan de pétrole qui gicle sans arrêt du pétrole dans le golfe du Mexique. And I don't know where it is taking me. We'll be right back. sommes de retour à l'autre monde sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, la référence à Montréal et dans le monde. On va y aller avec le dossier du pétrole. Vous allez aller sur Sans Papiers ou sur les sites du Québec ou les Nouvelles Internationales. Vous allez retrouver un peu partout cet article-là que j'ai rédigé cette semaine pour faire suite à l'article que j'ai écrit il y a deux semaines qui s'appelait « Le Tchernobyl des pétrolières ». Alors, celui-ci s'intitule « Deepwater Horizon, le geyser de pétrole se poursuit ». Allez voir cet article-là qui est assez riche en photos et qui résume bien la situation. Je vais vous en parler un peu ici pour vous, aux auditeurs, et puis allez lire l'article là, pour terminer, aller compléter les informations et trouver tous les articles en lien. Donc, on a vu que la situation dans le golfe du Mexique est effectivement peu reluisante, qui pourrait en fait s'agir de la pire catastrophe pétrolière jamais connue. Et puis, cela se poursuit de plus belle. Le geyser de pétrole perforé par l'avarice des pétrolières dans une des réserves les plus profondes et pressurisées de la planète continue de jaillir sans arrêt dans le fond du golfe. Ce désastre se classe déjà au-delà de ce qui pourrait être considéré le Katrina d'Obama, c'est en fait le Tchernobyl des États-Unis, un désastre qui aurait pu être évité si ce n'était de la corruption et de la connivence du gouvernement américain qui a permis à BP de passer outre les régulations de sécurité, puis ensuite de dissimuler la véritable étendue de cette catastrophe. Le gouvernement fédéral américain, qui est piégé par ses propres mensonges qui ont été proférés toutes ces dernières décennies, est incapable de reconnaître ses erreurs et trop arrogant pour même envisager de présenter des excuses. Ils vont continuer, comme c'était le cas avec l'Union soviétique et la catastrophe de Tchernobyl, pour éviter de faire face à la situation, évacuer cette catastrophe jusqu'à ce que toutes les options pour trouver un bouc émissaire soient épuisées pour ensuite transférer la responsabilité financière sur le dos de la population. Si tout cela échoue, nous pouvons compter sur ce gouvernement pour mettre en scène une distraction, très probablement une nouvelle guerre majeure, pour détourner l'attention loin du Deepwater Horizon. Il pourrait très bien s'agir de l'Iran ou de la Corée du Nord, comme je vous parlais. Et puis, comme on va parler plus en détail dans le reste de l'émission. Après la défaite en Afghanistan de l'Union soviétique, ils avaient tout essayé pour camoufler, pour faire en sorte là, qu'on oublie la situation pour que on sous-estime l'étendue des dégâts, de la vraie portée de la catastrophe écologique qui avait été causée par la fonte du réacteur nucléaire de Tchernobyl, ce qui avait finalement entraîné la fin du gouvernement soviétique. Alors, à force de faire de la magouille, de la corruption, on finit par tomber. C'est un peu la même affaire avec les États-Unis. Vous avez les États-Unis, eux autres, qui sont aussi maintenant en plein milieu d'une défaite en Afghanistan. Et ce pays-là qui essaie, qui tente de camoufler la catastrophe écologique provenant de la destruction du Deepwater Horizon et qui risque bien de faire couler son propre gouvernement. Alors, vous avez beaucoup là, d'incitatifs aux États-Unis pour essayer de faire oublier cette catastrophe et puis de détourner l'attention. Les compagnies pétrolières, elles, ont profité d'une protection provenant de quoi? Ben, du Oil Pollution Act, qui était censé protéger l'environnement, mais qui se retrouve finalement être une protection des compagnies pétrolières à cause de ce plafond, cette limite maximale de 75 millions de dollars en responsabilité civile pour les dommages que BP ou toute autre compagnie pétrolière pourrait être forcée de payer, considérant les coûts de nettoyage du pétrole. Donc, pour mettre ce 75 millions de dollars en perspective, il faut noter que BP a fait 93 millions de dollars de profit à chaque jour lors des trois premiers mois de 2010, OK? Donc, en d'autres mots, il faut moins d'une journée de profit à BP pour couvrir les frais qui leur seront imposés. Les coûts des dommages causés par BP sont enlevés de leurs épaules pour être ensuite placés sur le dos des gens de la communauté qui doivent alors payer pour ce désastre corporatif. Il y a eu des tentatives aux États-Unis pour faire augmenter ce plafond de 75 millions de dollars en responsabilité civile des compagnies pétrolières à 10 milliards, mais elles ont été contrecarrées par la républicaine de l'Alaska, Lisa Murkowski, qui a opposé son objection. Cette fuite constante de pétrole pourrait être 19 fois pire qu'elle a été initialement estimée. Des images de vidéo du geyser de pétrole situé dans les profondeurs du golfe du Mexique ont été rendues publiques il y a environ une semaine. Il apparaît que ce serait autour de 95 000 barils de pétrole, soit un peu plus de 15 millions de litres de pétrole qui s'échapperaient quotidiennement, selon ce qu'a indiqué un professeur en ingénierie au Congrès américain la semaine passée. Ces images vidéo ne sont pas venues immédiatement après l'explosion de la plateforme du Deepwater Horizon, comme il aurait dû logiquement se passer, mais bien un mois après, un mois plus tard, seulement après que des scientifiques et des membres du Congrès aient forcé BP de le faire. D'ailleurs, BP a été accusé en consultation du Congrès de retenir des informations pertinentes concernant le fonds marin ainsi que de bloquer les efforts des scientifiques indépendants pour déterminer la quantité réelle de pétrole brut s'échappant quotidiennement dans le golfe du Mexique. Vous avez BP qui a concédé aussi cette semaine qu'effectivement, il y a beaucoup plus de pétrole qui se disperse dans le golfe du Mexique qu'il ne le présageait, alors que le pétrole brut lourd commence à toucher les zones humides de la Louisiane 35 jours après l'explosion du Deepwater Horizon. D'ailleurs, il semble que ce qui est visible à la surface n'est que la pointe de l'iceberg, comme je parlais la semaine passée. Il y a des scientifiques qui ont découvert qu'il existait de vastes colonnes de pétrole à la dérive sous la surface, dont une qui mesure plus de 16 km de long par 4 km de large et 100 mètres d'épaisseur. Alors, on se retrouve avec un cas où vous avez même ici des chercheurs de l'Institut national de la science et de la technologie sous-marine qui disent avoir détecté plusieurs nappes de pétrole tentaculaires se déployant juste sous la surface de la mer et à des profondeurs allant jusqu'à 1200 mètres. Les scientifiques ont déclaré que les dispersants chimiques utilisés par BP dans le golfe du Mexique semblent avoir pour effet d'empêcher le pétrole de faire surface. Essaierait-il de dissimuler le pétrole sous le tapis? Méchante question à se poser. Une chose est certaine, ces corridors sous-marins de pétrole s'étendant sur des kilomètres pour empoisonner et suffoquer la vie marine à travers la chaîne alimentaire, entraînant des dommages pour les décennies à venir. Une menace non seulement à la faune marine, mais aussi pour la pêche commerciale, pour l'industrie touristique de la Louisiane jusqu'en Floride. Selon Samantha Joy, qui est professeure en sciences marines de l'Université de Géorgie, les chercheurs ont trouvé davantage de colonnes de pétrole sous l'eau qu'ils ne peuvent en compter. Les principales conséquences de celles-ci sont de retirer de vastes quantités d'oxygène de l'eau par les microbes qui consomment le pétrole, un phénomène amplifié par les dispersants chimiques qui nourrissent ces microbes. Ainsi, cette eau mélangée au pétrole est toxique pour certains organismes et néfaste pour la quantité d'oxygène contenue dans l'eau, et cela peut interrompre la chaîne alimentaire à son plus bas échelon, ce qui aura un impact sur les autres organismes qui en dépendent. C'est pourquoi l'écosystème pourrait bien prendre des années ou même des décennies pour s'en remettre. Vous avez des photos disponibles de la NASA, des photos satellites. Allez voir ça. Des dernières images satellites qui montrent le déversement en continu de pétrole. Et on voit aussi une masse si large qu'il serait possible de la voir à partir de la Lune, imaginez. Il est question d'une masse immense qui prend toujours plus d'expansion. Et vous avez même ici disponible dans l'article une vidéo en temps réel pour surveiller et examiner les dommages causés à l'équipement au fond de l'eau. C'est quelque chose. Alors, vous avez ces nappes de pétrole-là qui commencent à arriver, faire ses premières apparitions sur les berges et puis dans les marais de la Louisiane. Vous avez une partie de ce dégât qui est entré dans un puissant courant qui pourrait le porter vers la Floride, Cuba et au-delà. En Floride, on se prépare d'ores et déjà à l'arrivée de ce cauchemar et des impacts sérieux à leur industrie du tourisme. La côte atlantique est maintenant menacée au fur et à mesure que le pétrole se répand dans la région. Mais BP insiste toujours qu'il s'agit d'un déversement modéré. Hein, ne paniquez pas, respirez, c'est pas grave, l'eau est capable d'absorber ça, il n'y a pas de problème. Pourtant, le pétrole visqueux se retrouvant dans les dédales de marais le long de la côte du Golfe pourrait se révéler impossible à nettoyer, laissant un ragoût toxique mortel pour les poissons et la faune, selon des fonctionnaires et des scientifiques indépendants. Les fonctionnaires envisagent des solutions radicales et risquées. Ils pourraient mettre le feu à des zones humides ou inonder des zones dans l'espoir de faire flotter l'huile et la récupérer. Ils ont averti qu'un nettoyage agressif pourrait ruiner les marais et faire plus de mal que de bien. La seule option viable pour de nombreuses zones touchées est de ne rien faire et laisser la nature dissoudre le pétrole, selon eux. C'est précisément ce que la déréglementation dans le secteur pétrolier a finalement créé, des ravages écologiques. L'environnement n'est pas le seul à payer le prix de la corruption, de l'indifférence et des agissements criminels du gouvernement et du secteur privé. Tout comme dans le cas du 911, c'est les travailleurs et les équipes de secours qui s'intoxiquent suite à l'utilisation de produits toxiques sans qu'on leur apporte les protections nécessaires. Vous avez des pêcheurs qui rapportent des malaises qui sont causés par des produits chimiques utilisés par BP. Mais d'un autre côté, les médias ignorent le fait que Goldman Sachs, le Blackstone Group et Apollo Management sont propriétaires de Nalco, le fabricant du dispersant Corexit qui est utilisé par BP. La question posée par le journaliste Paul Kinlan du New York Times est bien simple. Pourquoi utilise-t-on Corexit alors qu'une douzaine d'autres dispersants sont moins toxiques et plus efficaces? Mais BP a refusé les demandes de l'EPA d'utiliser des dispersants moins nocifs, alors la Maison-Blanche a donné l'ordre à BP de couper de moitié les quantités de chlorhexidine dispersé dans l'eau du golfe du Mexique. Le problème est qu'il y a déjà plus de 2 500 000 litres de dispersants chimiques déversés dans l'eau. La côte côtière américaine assure désormais la protection des intérêts financiers des sociétés privées en essayant de censurer une histoire que le public a besoin de connaître. Comme l'a rapporté CBS News, si je cite, quand CBS News a tenté de rejoindre la plage couverte d'huile, un bateau d'entrepreneurs de BP avec deux officiers de la garde côtière à bord nous ont dit de faire demi-tour sous la menace d'arrestation. Fin de la citation. La garde côtière affirme qu'ils agissent sous l'autorité de BP. Imaginez, ce sont les règles de BP, pas les nôtres, aurait-il dit. Vous avez une vidéo à l'appui pour aller voir de vous-même, par vous-même, ce qui se passe. Alors, ainsi, vous avez la garde côtière qui menace des journalistes d'arrestation pour vouloir documenter ce désastre pétrolier. La conclusion à tout ça, c'est que personne ne semble savoir quoi faire pour colmater ce puissant geyser de pétrole. BP a essayé différentes solutions, mais aucune ne fonctionne. Et selon les American Association of Petroleum Geologists, on peut envisager que cette situation perdure pendant des années. Vous m'avez bien entendu, chers auditeurs, des années. Une nouvelle donne est le benzène qui s'évapore continuellement dans l'atmosphère et qui présente un danger non seulement pour les personnes âgées et les gens ayant des problèmes respiratoires, mais aussi pour la population vivant dans la région du Golfe du Mexique en entier. Article très important à aller voir. Allez voir toutes les sources là-dedans, c'est très, très bien documenté. Et puis, écoutez, là, je veux dire, soyez au courant de ce qui se passe là-bas. C'est complètement catastrophique. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une autre série aussi d'articles qui vont être en lien sur les nouvelles internationales qui documentent toutes ces affaires-là. Vous avez des vidéos, alors un peu de tout. Donc, voilà. Écoutez, on va y aller maintenant avec la Corée du Nord. C'est assez débile ce qui se passe là-bas. On a de la misère à partir de la guerre en Iran. Alors, on va essayer de s'en prendre à la Corée du Nord. Vous avez entendu parler il y a une couple de mois d'un bateau sud-coréen qui aurait été coulé par un sous-marin apparemment, supposément, nord-coréen. OK? Alors là, apparemment, je dis vraiment apparemment parce que là, on accuse la Corée du Nord. En fait, on dit qu'on a des preuves, qu'on a récupéré une torpille dans le fond de l'océan qui aurait été celle qui aurait fait couler le bateau de guerre sud-coréen. Et on a apparemment trouvé un numéro qui est écrit en crayon feu carrément là, sur la pièce qu'on voit. Alors, c'est même pas gravé dans le métal, c'est écrit avec un crayon, quelque chose. Et puis, apparemment, que cela appartiendrait à la Corée du Nord. Ce serait une torpille soit produite par la Chine et puis transférée à la Corée du Nord ou carrément une torpille nord-coréenne. Alors que, chers auditeurs, c'est quasiment impossible, OK? C'est quasiment impossible. Vous avez même certains médias maintenant qui ont admis que ce serait une torpille allemande. Alors, qu'est-ce qu'une torpille allemande fait là? Beaucoup de questions. Vous avez beaucoup d'intérêt pour cette guerre-là, pour détourner l'attention. Détourner l'attention de quoi? Ben, de la crise financière. On est en train de s'apercevoir que c'est les banquiers privés, le secteur financier, Wall Street, la Cité de Londres qui sont responsables de ça. Aussi de la crise pétrolière qu'on est en train de vivre dans le golfe du Mexique, d'une paquet de corruption, le H1N1, le global warming qui est en train de s'écraser, toutes ces affaires-là, finalement en train de se rendre compte que le gouvernement est complètement corrompu de bord en bord jusqu'à la moelle des os, qui sont complètement des acquisitions du secteur privé, des corporations, des multinationales. Donc, vous avez carrément des gouvernements qui ont fusionné avec le secteur privé et le secteur financier qui contrôle le tout, qui est le chef d'orchestre, les banquiers privés, les banques centrales contrôlées par, ultimement, des banques centrales comme à Genève. Et puis, aussi, là, vous avez des familles, là, le Club de Rome, le Club de Paris, la famille Rothschild. Alors, on a besoin de détourner l'attention des gens qui commencent à apprendre la vérité. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, on se retrouve dans une situation où vous avez les États-Unis qui, maintenant, ont décidé de se rendre là-bas. Alors, vous avez Hillary Clinton qui s'est déplacée vers la Corée du Sud et dire que là, on devrait quasiment, on va faire payer la Corée du Nord. Alors, la Corée du Nord doit payer. Alors, on est en train de préparer même un conflit militaire. Le Canada a imposé des sanctions économiques. On est en train de sauter tout dans le bateau avec cette petite preuve unique de torpille qui a carrément, même si vous allez voir les images, qui a l'air d'avoir été dans le fond de l'océan pendant des dizaines d'années. OK? Alors que vous avez un autre article ici très important. Écoutez, là, on parle on menace là, la Corée du Nord. Là, Clinton, là, Hillary Clinton a menacé la Corée du Nord de conséquences sérieuses. De qu'est-ce qu'on veut dire? On parle ici de même de punir la Corée du Nord pour avoir coulé le bateau de la Corée du Sud. Les États-Unis ont impliqué la Corée du Nord dans cette attaque-là. Alors que vous avez un article à aller voir sur Agoravox, okay, qui a été écrit par un certain dénommé Maurice, qui est absolument excellent, qui est en français en plus, c'est très bon pour vous. Et vous allez voir, il est en train de tout démonter ça, de vous montrer que il n'y a aucune raison de croire logiquement que cette torpille-là ait pu provenir d'un sous-marin nord-coréen. Vous avez aussi différents faits très intéressants à avoir à la tête. Là, vous avez cette corvette militaire sud-coréenne qui a été coulée, qui voyageait à très grande vitesse, alors que vous avez les sous-marins nord-coréens qui sont très lents, très, très âgés, et qui sont évidemment très facilement détectables par des technologies beaucoup plus avancées qu'ils ont. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont dans les airs à savoir comment ça se fait que les Coréens du Nord n'aient pas pu détecter supposément l'ennemi. OK, le bateau nord-coréen aurait pu s'approcher très, très proche du bateau sud-coréen. Alors, vous aviez aussi en plein, à ce moment-là, des exercices militaires qui se déroulaient en conjonction avec les États-Unis. OK, alors ça aussi, c'est assez spécial à savoir. Alors, vous avez des exercices militaires qui se déroulaient en ce moment-là. Alors, apparemment que le sous-marin nord-coréen aurait pu se faufiler parmi un paquet de frégates, de sous-marins et tout un appareil militaire assez imposant nord-coréen et américain et aurait pu se dissimuler, passer outre toutes les mesures de détection et puis couler le bateau sud-coréen. Et puis vraiment, pourquoi la Corée du Nord aurait fait ça? Vraiment, je veux dire, ce serait quoi le but? Tirer une guerre et manger une claque dans la gueule? Je veux dire, c'est bien évident qu'ils vont... Ils vont se faire rincer, ben, ils vont se faire rincer, ils vont se faire laver par l'armée sud-coréenne qui est aussi jouit du support des Américains. OK? Vous avez Israël qui a joint aussi qui a joint le groupe. OK? Israël qui est aussi très louche là-dedans. Là. Je veux dire, Israël pourrait être très, très bien derrière ça. Israël qui reçoit, elle, des sous-marins gratuitement de l'Allemagne. OK? Donc, Israël possède des sous-marins allemands. Donc, des torpilles aussi allemandes. Alors, hop, là, regardez les affaires, comment qui se connectent de façon intéressante. Qui, après ça, Israël qui sort sur la scène mondiale et puis joue à l'indigné en disant que le monde doit répondre de façon décisive, la planète doit répondre de façon décisive, okay, face à la Corée du Nord dans ses tests nucléaires et puis son comportement. Alors, voyez encore là plus d'hypocrisie totale, alors que, comme je vous disais, c'est Israël qui possède des bombes nucléaires et qui, cette semaine, a été révélé avec des documents officiels, chers auditeurs, des documents officiels qui ont été rendus publics, comme quoi Israël a offert de vendre des bombes nucléaires à l'Afrique du Sud. Il y a quelques décennies, OK? Alors, voilà qui fait de la prolifération nucléaire, mais, bon, Israël, tout le temps, hein, apparemment, là, le droit moral d'accuser tout le monde des choses qu'elle fait elle-même. Alors, vous avez la Corée du Sud qui a arrêté tout échange commercial avec la Corée du Sud, et puis, vous avez les États-Unis ici qui ont déclaré à la Corée du Sud de se préparer, OK, pour peut-être un affrontement militaire. Alors, voyez, là, on est en train réellement de pousser ça, de faire monter ça en mousse, de faire en sorte qu'on part un conflit assez rapidement. Et vous avez, attendez, je cherche ici un article des plus intéressants. Ici, vous avez Pyongyang qui voit, elle, je parle Pyongyang, c'est bon, la capitale de la Corée du Nord, qui voit que les États-Unis auraient eu un rôle à jouer dans l'attaque de la corvette sud-coréenne qui s'appelait le Cheonan, qui a été coulée. Même les Coréens du Nord ont demandé à pouvoir examiner les évidences qui apparemment les accuseraient et les rendraient coupables de ça. Alors, on veut évidemment examiner ces évidences-là, OK? C'est évident. Comme je vous disais, on parlait d'Israël aussi. Israël qui, dans le USS Liberty, le Lavin Affair, l'affaire Lavon, et puis on a aussi fait sauter des bombes en Libye. Hein, donc, vous avez plusieurs pouvoirs comme ça, autant israéliens qu'américains, qui, à plusieurs reprises, je dis américains, là, il faut se rappeler Pearl Harbor et puis le fameux incident du golfe de Tonkin qui se sont finalement jamais produits ou qu'on a complètement inventé pour justifier des guerres, pour partir des guerres, pour enrager les gens. Donc, vous voyez, c'est plutôt des tactiques qui seraient susceptibles d'éveiller des soupçons, de savoir qui est le vrai responsable de ce bateau qui a été coulé, OK? Vous avez des faits importants. Vous avez les sous-marins nord-coréens qui ne sont pas assez avancés technologiquement pour pénétrer les gardes dans les eaux de la Corée du Sud. Okay? Alors, on a aussi, là, évidemment, des radars, des systèmes de détection de très haut avancement technologique que la Corée du Nord ne peut pas déjouer. Okay? Ça, c'est factuel et puis c'est incontournable. Donc, si vous aviez un sous-marin se déplaçant tranquillement de la Corée du Nord, elle aurait eu beaucoup de difficultés à opérer de façon cachée et en toute sécurité sans l'équipement qu'on appelle Air Independent Propulsion, OK? Donc, qui est une technologie que les sous-marins maintenant utilisent, que les Coréens du Nord ne possèdent pas. Vous savez, des détails comme ça qui, finalement, vous font penser que, est-ce que la Corée du Nord est vraiment responsable de ça? Est-ce que la Corée du Nord est vraiment si suicidaire que ça? Je vous parlais aussi de ce désastre qui s'est passé dans des territoires où que le Pentagone décrivait comme étant un lieu où se déployaient des exercices simulés parmi les plus grands au monde. Okay? Donc, vous aviez des exercices de guerre qui s'appelaient Key Resolve, Fall Eagle, qui ne sont pas terminés avant le 18 mai et puis qui ont été rapportés pour s'être déroulés entre, en fait, le 18 mai jusqu'au 30 avril. Okay? Alors, ça, c'est un peu comme les attaques à Londres, les attaques à New York, le 9-1-1, s'ils se déplacent, les événements qui se produisent tout le temps, alors qu'on a des exercices militaires qui se déroulent en même temps. Okay? Donc, vous avez The Key Resolve Fall Eagle, l'exercice militaire qui se déroulait dans la mer de l'Ouest, OK, au large de la Corée du Nord, et puis qui avait lieu là-bas. Et on est en train de s'entraîner avec des armes de destruction massive, alors pour détruire des armes de destruction massive qu'apparemment le Nord posséderait. Donc, voilà des faits quand même assez intéressants. Là, vous avez aussi le secrétaire d'État, James Stenberg, qui a déclaré aussi le 30 mars, qui lui avait des doutes par rapport au fait que la Corée du Nord soit impliquée dans cette histoire et que lui, il voit clairement qu'une enquête complète avait besoin d'être faite avant de poser des accusations puis d'entreprendre quelques mouvements agressifs contre la Corée du Nord. Alors, selon lui, il n'y a aucune raison de croire, OK, ou de s'en faire avec la Corée du Nord, OK? Donc, il pourrait plutôt s'agir, en fait, de tir ami, c'est-à-dire, il se pourrait fort bien que dans ces exercices militaires qui se produisaient, qui avaient lieu durant cette période de temps-là, écoutez, il y a eu un accident et puis on a par accident largué une torpille dans les flancs du bateau sud-coréen. Okay? Alors, vous avez même sept faits à revoir dans cet article-là, à les consulter, qui tendraient à faire croire que justement ce bateau qui a coulé aurait été entraîné par des troupes amies, okay? Et non par la Corée du Nord. Donc, allez voir ça, allez voir ça. C'est absolument très important pour justement ne pas se faire encore avoir, ne pas se faire vendre des fausses guerres basées sur des mensonges. Vous avez cet article important que je vous disais de Maurice Allez-Voir qui s'appelle Une torpille au goût du golfe de Tonkin. Alors, c'est un article très, très important à aller voir pour vraiment comprendre ce qui se passe dans cette région-là. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle des États-Unis puis de l'OTAN qui accélère, si vous voulez, sa concentration, en train de masser de l'équipement militaire, des troupes militaires partout dans la région de la mer Noire. Alors, un article là, du Global Research à aller voir. On apprend que depuis l'ère de la guerre froide, spécialement c'est-à-dire depuis 2001, le Pentagone a déplacé de plus en plus de troupes et puis d'équipements depuis ses bases de l'Allemagne et de l'Italie vers l'Europe de l'Est. Alors, on est en train de créer un genre de rideau de fer et de déplacer ces troupes-là pour encercler encore de plus proche la Chine et la Russie. Alors, c'est un processus qui est en train, je disais, qui va en augmentant. On est en train même de mettre des systèmes de défense, hein, d'antimissiles. On a entendu parler de la Pologne, OK, où c'est qu'on a des troupes qui vont même arriver, des troupes américaines qui vont arriver dans ce pays-là et qui vont être stationnées à moins de 35 000, et c'est dans cet article-là. Alors, on parle d'environ 45 kilomètres de la frontière russe. Alors, vous voyez de plus en plus de troupes américaines tout proches là, de la frontière russe. Et vous avez aussi en février des gouvernements des différentes nations entourant la mer Noire, comme la Roumanie puis la Bulgarie, qui ont confirmé des plans qui vont faire en sorte que les États-Unis vont déployer des missiles standard numéro 3 antibalistiques, des missiles intercepteurs sur leur territoire. Vous avez la sixième flotte des États-Unis. Qui maintenant se trouve en Italie, qui a été déployée dans la mer Noire. Vous avez toutes sortes de visites, okay, qui ont été conduites pour mener aussi des exercices militaires avec différentes armées, autant de la Bulgarie, de la Roumanie que de la Géorgie. Vous avez le Pentagone aussi, l'automne dernier, qui a décidé de dépenser 110 millions de dollars pour moderniser sa base militaire en Bulgarie, puis son autre en Roumanie. Et ainsi que deux des sept autres nouvelles installations dans ces deux nations. Alors, on ouvre aussi de plus en plus d'installations militaires dans ces pays-là. Donc, ça continue. Et puis, vous voyez qu'on est en train de militariser la planète au complet. On est en train de vraiment de mettre une main militaire sur la planète, de tout contrôler. Alors, allez lire cet article-là, article de Global Research, très intéressant à lire. Vous avez un autre article ici aussi qui parle de ce massif déplacement de troupes militaires. On est en train de concentrer aussi les troupes américaines autour de l'Iran. On vient d'envoyer jusqu'à quatre nouveaux porte-avions dans la région. Alors, une autre nouvelle, c'est incroyable. On est en train de se demander si on est vraiment déjà dans une guerre mondiale, OK? Des gros mouvements militaires qui se passent là. Écoutez, là, des porte-avions, on parle ici des forces navales d'attaque qui sont déplacées, qui sont mises sur pied d'alerte. Plus de 6 000 Marines et puis des combattants de la mer. Vous avez aussi, comme je disais, des porte-avions, vous avez des avions qui sont à proximité de l'Iran. Et écoutez, vous avez le prix Nobel de la paix, j'ai nommé M. Barack Hussein Obama, qui a décidé d'envoyer un clair message que la paix ne va pas être tolérée plus longtemps dans la région. Et on a décidé d'augmenter la présence américaine dans la région de 400 à 500 %. Alors, y a-t-il quelque chose qui se prépare? On ne déplace pas des troupes comme ça pour rien. Vous savez, avant qu'on parte la guerre en Afghanistan, suite au 9-1, on avait déjà préalablement déplacé des effectifs militaires du genre quelques mois auparavant. Alors, c'est tout le temps ce qu'on fait. On déplace effectifs militaires et puis après ça, boum, on part une guerre. Donc, voilà, un autre article ici qui vient de Bloomberg, où on apprend que le Pentagone s'apprête à rénover, à améliorer une de ses bases aériennes dans le sud-ouest de l'Afghanistan, à environ une trentaine de kilomètres de la frontière iranienne. Alors, vous voyez, là, on est en train de non seulement déplacer plus de troupes, mais aussi on augmente la capacité, on développe de plus en plus les bases militaires, on leur donne de l'expansion. Vous avez le département de la Défense qui a demandé plus de 131 millions de dollars dans cette année fiscale pour rénover la base aérienne du Shindand à l'intérieur de l'Afghanistan. Alors, on veut que ces places-là soient capables de recevoir des hélicoptères commando et puis des différents appareils aériens de surveillance, de ravisionnement et puis de munitions. Alors, on veut donner de l'expansion à différentes bases et puis donner encore plus de force à ces occupations militaires, installer des missiles de défense dans les régions qui sont alliées aux États-Unis. Et puis, on va presser aussi les Nations Unies pour avoir une nouvelle ronde de sanctions économiques dans le but de forcer l'Iran à arrêter son programme nucléaire qui, disons-le, est civil et complètement pacifique. Dernière petite portion dans l'économie. Vous allez avoir une nouvelle ici, allez consulter, qui a été publiée par AFP et trouvée sur Yahoo. Okay? Alors ici, on parle du prochain sommet du G8 et du G20 qui vont se tenir à Toronto. J'en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Et j'en ai parlé d'ailleurs aussi dans le passé, pas si lointain, ici à l'autre monde, comme quoi que la sécurité était pour être assez hallucinante. En réalité, la sécurité va être plus importante que ce qu'on a connu durant les Jeux olympiques. Ça va être un véritable état policier dans lequel même l'armée va être impliquée. Alors, l'armée va assurer aussi la sécurité autour du G8 et du G20. Une folie complète. On va recevoir ces clowns à cravate qui vont venir parader à Toronto pour prendre leurs solutions, imposer leur gouvernement global, je veux dire, complètement au détriment du reste des populations. On n'a rien à voir là-dedans. On n'a aucun mot à dire. C'est complètement antidémocratique. Mais il faut assurer leur sécurité. Vous savez, ces gens-là, ils sont sensibles. Et puis, c'est des gens qui sont très frileux et puis qui vivent constamment dans la peur. Alors, nous devons payer pour eux. Alors, ces sommets-là s'en viennent à Toronto, mais il faut payer pour leur sécurité. Et les coûts originaux ont été estimés à 179 millions de dollars canadiens. Alors, c'est déjà pas mal d'argent, je vais vous dire, 179 millions de dollars. Ça pourrait donner à des parents qui ont besoin d'aide pour mettre de la nourriture sur la table pour leur enfant. Ça pourrait être utilisé pour les pauvres, ça pourrait être utilisé dans toutes sortes de programmes, même payer des enseignants. Sauf que non, on a besoin de cet argent-là pour assurer la sécurité de ces terroristes criminels, économiques, ces gens du G8. Ces bouffons, ces sans-dessins, ces caves qui viennent parader à Toronto, pour lesquels il va falloir dépenser énormément d'argent. Et puis là, les coûts viennent d'être dépensés énormément. Écoutez, on est rendu à un montant additionnel de 654 millions de dollars canadiens pour un total de 833 millions de dollars canadiens. On parle de quasiment 1 milliard parce que, écoutez, ça va inclure toutes sortes d'autres d'argent pour différentes agences. Alors, vous pouvez vous attendre à ce que ça coûte autour de 930 millions à 1 milliard de dollars selon les données qu'on a eues du ministre de la Public, de la Sécurité publique et puis aussi de AFP. Alors, vous savez, là, on va dépenser 1 milliard de dollars pour ces caves-là qui s'en viennent à Toronto, qui vont décider de notre destinée, de notre futur, sans qu'on ait un mot à dire. Et moi, je trouve ça absolument révoltant. Alors, allez voir cette nouvelle-là, complètement renversante. Et vous avez un autre article aussi, allez voir, qui s'appelle « Les prédictions pour le reste de l'année 2010 ». Ça a été publié sur le site de Jeff Renz. C'est pas tout le temps la meilleure source d'information, mais j'avoue que celle-là est assez renversante parce que vous avez des comptes rendus de paquets de spécialistes, d'experts, d'économistes. Alors, vous avez Bob Chapman, Gerald Celente, George Urey, vous avez Igor Panarin, vous avez Nethercore, vous avez Webbots, vous avez Leap 2020, qui est un groupe de 25 économistes européens qui ont un degré d'efficacité et de précision de 90%. Vous avez Joseph Mayer, Harry Dent, qui est un investisseur. Vous avez Richard Russell, un expert des marchés. Vous avez Nino Becerra, professeur en économie. Vous avez Lyndon LaRouche. Vous avez le Wall Street Journal. Vous avez Éric de Carbonel. Vous avez Alpha Omega Reports et un Trend Forecast. Vous avez Robin Landry, qui est un autre expert des marchés. Vous avez John P. Osman, qui est un PhD. Vous avez Robert Prechter. Vous avez Richard Mogay. Vous avez James Howard Kunstler, Peter Schiff. Il y a Lindsay Williams. Il y a un autre ici, un groupe d'économistes du gouvernement américain. Vous avez Jimmy Doomsday. Ça, c'est son surnom, là, Doomsday, mais sauf qu'écoutez, on parle ici de tous ceux qui avaient raison, ceux qui avaient prédit la crise économique, alors que tous les autres nous prédisaient encore des belles croissances économiques en 2007-2008, alors que ces gens-là sonnaient déjà l'alarme. C'est ceux qui étaient dans le droit chemin, ceux qui nous disaient la vérité depuis le début, et puis ces gens-là sont tous unanimes pour nous dire que l'économie va crasher. Vous allez écouter, la Dow Jones, là, selon certains, pourrait tomber aussi bas que 6000 points, même plus bas que ça, mais allons-y avec le 6000 points, c'est déjà pas mal une bonne catastrophe si ça arrive à ce niveau-là. Ces gens-là prévoient une très forte dévaluation du dollar américain. Et écoutez, là, on parle d'une vague beaucoup plus forte que ce qu'on a connu en 2008-2009 au niveau de crash économique. Alors, c'est pas des prédictions à ignorer puis à rejeter du revers de la main quand on a autant de spécialistes qui voient cette vague venir. Et une vague qui est de toute façon probablement inévitable. C'est le reste des bulles, c'est le reste de la merde qui nous reste à nous revoler en pleine figure. Et puis ça risque de fesser très fort. Alors, allez voir ces deux articles absolument cruciaux. La semaine passée, j'avais commencé à parler de la dette fédérale au Canada puis aux États-Unis. Je rappelle que la dette fédérale ici au Canada est de 521 milliards de dollars. Ça coûte combien? Ça coûte 15 000 $ par individu qui habite au Canada. Ça nous coûte 170 millions de dollars par jour seulement en intérêt, OK, sur cette dette. Alors, 170 millions de dollars par jour. Moi, je trouve ça absolument renversant. C'est capoté ben raide. Vous devez savoir que durant les dernières décennies, juste en intérêt, on a remboursé plus que le montant total de la dette qu'on doit. Et techniquement, réellement, c'est une dette qui est impossible à rembourser. Et la raison est bien simple, c'est que on doit 3 fois plus d'argent en total avec toutes les dettes accumulées sur tous les paliers des gouvernements, des municipalités, puis des dettes individuelles et cartes de crédit, tout le kit, là. On doit plus d'argent que tout l'argent qui existe dans le système économique au complet au Canada. Donc, on a environ 1 000 milliards, donc 1 trillion de dollars en circulation, tant en argent électronique qu'argent réel, cash. Qu'est-ce qui en est dû? Alors que les dettes se montent, elles, environ 3 fois ce montant, sont autour de 3 trillions de dollars ou 3 000 milliards de dollars. Donc, imaginez, dans le système dans lequel on vit, c'est un système de pyramide, c'est vraiment un système de Ponzi dans lequel on fonctionne en système de pyramide, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver de plus en plus de gens qui s'endettent parce que le système est basé sur la dette. Et ça va expliquer tout le reste des nouvelles qui ont à suivre et puis que je vais continuer à développer dans les temps à venir. Je vais essayer de revenir la semaine prochaine pour la dernière émission avant les vacances où vous allez comprendre que là, tout découle de ça. Vous avez un système dans lequel on a bâti sa demise dès le départ, c'est-à-dire que dès qu'il entre en fonction, ce système économique, ce système bancaire fractionnaire, c'est-à-dire que avec des réserves de, mettons, 1 million, on peut passer plus de 10 millions plus les intérêts. Alors, c'est comme ça que le système fonctionne. Alors, vous avez tout le temps besoin de trouver de plus en plus de gens qui s'endettent à la base pour supporter ce système-là. Dès que les gens arrêtent de consommer, arrêtent surtout de s'endetter, eh bien, le système s'effondre. Et puis, c'est ça qu'on a connu en 2008-2009 avec aussi, toute la pression qui a été exercée sur l'économie réelle par l'économie virtuelle, dont les marchés des produits dérivés qui, elle, se retrouve en une bulle incroyable de 600 trillions à 1,5 quadrillions de dollars. Alors, des chiffres qu'on utilisait seulement dans l'astronomie il y a quelques années. Je veux dire, quand on parlait des systèmes et des galaxies tellement loin qui sont à des milliards et des trillions d'années-lumière. C'est rendu qu'on parle de ça maintenant, aujourd'hui, dans l'économie. C'est des chiffres qui sont incompréhensibles pour le cerveau. Je veux dire, ça, il faut bien s'en rendre compte. Et ben écoutez là, ça c'est vous allez trouver des articles là, allez trouver là-dessus. Vous allez une tempête de la dette qui est en train de se préparer au Canada. On en parle dans le Globe and Mail. Vous avez un article ici. Écoutez, pour chaque dollar qu'on a de revenus, les Canadiens en doivent 1,47 $. OK, alors ça veut dire qu'on est plus en dette que ce qu'on rapporte comme revenu. Les Canadiens on nous dit ici dans The Canadian Press, c'est une nouvelle qui a paru il y a plusieurs semaines, que les Canadiens font face à des choix difficiles pour les services gouvernementaux. Alors, on va se servir de ça. Alors, comme vous voyez, c'est un système qui est monté de toutes pièces. Et puis après ça, on justifie de couper dans les services sociaux, dans les infrastructures publiques, OK? On va privatiser les choses qu'on a déjà payées de notre poche, comme les autoroutes, comme les bâtiments du gouvernement, comme des compagnies comme Post Canada, comme Hydro-Québec. Vous comprenez que c'est toute une fraude, OK? C'est une fraude totale qui est faite pour mettre la main, pour s'approprier de tous les biens publics, OK? Donc, la richesse qui nous appartient va être privatisée au nom de payer une dette qui est impossible à rembourser. Alors, vous avez même le gouverneur de la Banque du Canada qui urge les Canadiens à avoir une conversation d'adulte à propos des services gouvernementaux dans le futur. Alors, c'est comme ça que on joue la game. Alors, ne laissez-vous pas avoir. Allez voir ces nouvelles-là. On dit que vous ne produisez pas assez, que vous êtes trop endetté, on est dans le rouge, il faut faire de quoi, il faut arrêter de penser avec la pensée magique, alors qu'en réalité, c'est eux qui vivent dans la pensée magique en pensant que les gens vont se laisser faire. Si les gens dorment encore, ne vous en faites pas, ils sont en train de se réveiller à l'échelle de la planète. Vous avez vu les mouvements de résistance importants en Islande, en Grèce. Les gens sont conscients de ce qui se passe là-bas. Ils savent que c'est les banques qui ont créé cette dette de toutes pièces, qui ont créé cette crise économique de toutes pièces. Et alors que nos économies tombent, s'effondrent, eh bien, ces gens-là, comme Goldman Sachs et puis les spéculateurs, les grandes banques, même les gens au Congrès américain, imaginez des congressistes là, qui travaillent pour le gouvernement américain, ont misé sur la demise, sur la chute, l'effondrement de l'économie. Okay? Alors, vous avez même des politiciens qui misent sur la propre chute de leur propre gouvernement. Alors, imaginez, c'est complètement capoté. C'est ça qui se passe. On parle de terrorisme économique. On est en train d'attaquer des pays comme la Grèce, comme l'Islande, comme nos pays aussi. Vous savez, on n'est pas à l'abri. On est en train de se faire attaquer directement. On s'en rend pas compte. Après ça, les criminels vont aller se rencontrer dans les sommets du G8 et du G20 qu'il faut protéger aux grands frais de 1 milliard de dollars. Okay? Et puis, après ça, pourquoi? Ben, pour qu'eux autres, ils s'emparent de l'économie, s'emparent de nos compagnies, de nos multinationales, de nos compagnies, nos PME, et puis aussi mettre la main sur des terres, okay? Parce que vous avez aussi une nouvelle banque mondiale qui a été créée avec des gens, je dirais, là, des globalistes, okay? De ces gens qui veulent amener une gouvernance globale comme Maurice Strong. Vous avez des éléments des Nations Unies, la famille de Rothschild, les banquiers privés internationaux, le Club de Rome, vous avez le Club de Paris, le City de Londres, vous avez les Goldman Sachs de ce monde qui sont investis dans un paquet de pays. On retrouve des gens de Goldman Sachs dans un paquet de positions gouvernementales à travers un tas de gouvernements étrangers, autant qu'à la maison. Alors, vous avez vraiment ces financiers-là qui contrôlent l'appareil économique mondial. Et après ça, ben, on va utiliser cette banque-là qui s'appelle The World Conservation Bank. Okay? Faites des recherches sur Internet avec ça, The World Conservation Bank, okay? Qui va prendre en collatéral, okay, en échange de faire des prêts à des pays, va prendre en collatéral des territoires, des morceaux de territoires nationaux. Alors, on parle ici de réserves fauniques ou simplement des portions de territoires de différents pays qui va constituer un fonds de garantie, okay, au cas où un pays ne pourrait plus rembourser sa dette. Alors, prenez par exemple la Grèce qui est sur le bord de faire faillite. Et vous avez des banquiers qui sont sortis publiquement. Ça a été rapporté par les journaux des médias de masse que les banquiers ont dit, ben, écoutez, vous n'êtes plus capable de nous rembourser, donnez-nous certaines de vos îles, OK? Donc, c'est ça qui est un peu l'idée, c'est-à-dire que là, si nos pays ne sont plus capables de rembourser des dettes qui, au départ, ne sont pas remboursables, sont impossibles à rembourser, eh bien, la banque, The World Conservation Bank, qui s'apprête à être l'institut international, c'est-à-dire une nouvelle gouvernance monétaire internationale, le gouvernement de facto international, va prendre possession de portions de nos pays. Et puis, c'est comme ça qu'il est à travers un système où eux créent l'argent à partir de nulle part, vont prendre possession physiquement des terres, de nos pays, de nos économies, puis de notre labeur, parce que ne vous mentez pas, chers auditeurs, quand on prête de l'argent, quand les banquiers privés prêtent de l'argent à nos gouvernements, la garantie, les collatéraux, c'est nous, c'est vous, c'est votre labeur et les générations à venir qui sont mises en garantie. Donc, vous êtes des esclaves économiques, point à la ligne. Alors, allez voir ça. Vous avez un article ici, la fraude et la corruption érigée en système bancaire. Vous allez trouver des importantes informations à propos de ça. Le jeu de l'argent, savoir comment que le système économique et bancaire fonctionne. Vous allez voir aussi comment que l'argent des plans de sauvetage est utilisé. C'est une fraude totale. Ça a même été rapporté par MSNBC. Une vidéo absolument renversant à aller voir et qui vous dit qu'on n'a aucun argent qui existe dans le système. C'est un système basé sur la dette. Et vous allez en apprendre des très bonnes là-dessus sur la manipulation des prix, sur la manipulation complète des marchés boursiers Wall Street. Les dés sont pipés de A à Z. Vous allez voir ici un dossier incroyable de 12 minutes de MSNBC. Allez voir. Vous allez aussi avoir des vidéos sur l'histoire de l'argent de papier. Et un autre article aussi absolument renversant ici sur le Open Market Committee de la Fed, OK, aussi qu'on parle que les écoutez là que vous avez des directeurs de la Bank of International Settlement, la banque centrale des banques centrales, bon, dont Alan Greenspan a été directeur pendant plusieurs années. Alors vous voyez Geithner qui a travaillé pour la BIS, la même affaire qui est le Bank of International Settlements. Vous avez tous ces gens-là qui travaillent l'un pour l'autre. Vous allez comprendre le nexus des gens qui contrôlent tout ça. Il y a réellement collusion. Il y a vraiment des gens qui travaillent ensemble. Vous avez le Moody's and Standard and Poor qui sont aussi infiltrés par ces gens-là. Donc, on donne des fausses cotes à des titres. Et puis après ça, écoutez, là, on manipule complètement tout. Alors, allez voir ça. C'est des informations absolument importantes. Et puis, on va revenir aussi là-dessus la semaine prochaine. Écoutez, on va parler de quoi que je devais parler aujourd'hui plus en détail. C'est aussi le marché des métaux précieux qui est complètement manipulé. Vous avez un monsieur qui s'appelle McGuire, un insider de tout ça, qui a prouvé, qui a amené les preuves indubitables, OK? Les preuves incontournables, même à des commissions qui ont été montées par le Congrès américain, dans lequel il a été montré, hors de tout doute, que les cours, les prix du marché des métaux précieux comme de l'or et de l'argent sont carrément manipulés. On vend des titres d'or et d'argent qui ne représentent pas de l'argent et de l'or physique, c'est-à-dire que on a vendu 100 fois plus d'or qu'il n'en existe, OK? Et c'est à peu près les mêmes proportions pour l'argent. Alors, ça veut dire que les prix qui ont cours pour l'or et l'argent, les métaux précieux, devraient être environ 100 fois plus élevés que ce qu'on a actuellement. Alors, imaginez, ça, c'est en train de percer de la conscience de beaucoup de personnes sur la planète et vous allez avoir les prix de l'or et de l'argent monter en flèche parce qu'en réalité, si vous voulez acheter de l'or physique et puis l'apporter à la maison, vous allez vous rendre compte qu'il en existe presque plus. C'est quasiment impossible d'en trouver. C'est très difficile. Et si c'est possible, ben écoutez, achetez-en le plus vite possible parce que un coup que ça va être exposé, puis qu'il y a bien des gens qui vont se rendre compte que les titres qui disaient qu'ils possédaient de l'or ne sont pas vrais, ne sont pas réels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cotés par de l'or physique. Ben il y en a qui vont avoir des surprises incroyables, puis vous allez voir le prix de l'or monter, le prix de l'argent monter en flèche. Ça, c'est évident. Vous avez à peu près 5% des gens qui ont des titres d'or qui possèdent réellement leur or physiquement à la maison ou peu importe là où ils l'enterrent, là où ils tiennent ça dans un coffre de sécurité à la banque. Peu importe, l'idée est que vous avez seulement 5% des propriétaires de titres d'or qui possèdent de l'or réel. OK, donc les autres, faites attention à ça. Et donc, je vais revenir là-dessus peut-être un peu la semaine prochaine, mais je vais quand même vous mettre les liens aussi cette semaine par rapport à ça pour vous commencer à aller explorer ça. C'est absolument incroyable. On a vendu 100 fois plus d'or qui en existe. OK, alors imaginez les chocs qui restent à avoir. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous salue bien bas. On se retrouve fort probablement la semaine prochaine. Et puis, ça sera la dernière émission avant les vacances. Et on va se retrouver un peu plus tard par après. Alors, prenez soin de vous. Profitez de l'été. Et puis, moi, je vous salue bien bas. François Marginat pour L'Autre Monde. Bye-bye!